في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بن فيا بن سيا Angelicisé, écoute-moi bien. Côte l'anniversaire, c'est aussi. Qui ban qui n'invente l'anniversaire. Qui sanna qui n'invente l'anniversaire, côte ça, c'est aussi. Joue l'anniversaire, donne cadeau, dis joyeux anniversaire, happy birthday, côte ça, c'est aussi. D'après World Book, Childcraft International dit, concernant holidays and birthdays. Plusieurs et beaucoup de milliers d'années, Bandimoun dans le monde entier pensait et cette croyance comme ça, qui jour naissance est un jour spécial. Qui jour naissance est un jour spécial. Jimoun, tu peux croire qui jour naissance un Jimoun aidé par ban l'esprit, par ban l'âme, ou pas ban mauvais l'esprit ou l'âme. Quand Jimoun fait l'anniversaire, ban camarade et ban famille réunit protège li, c'est comme ça l'anniversaire commencé. L'idée, mettre la bougie, jour l'anniversaire, mettre la bougie, le gâteau, vin, depuis des ban grecs, anciens. Ban grec, tu peux prier toute qualité Dieu, toute qualité Shaitan, d'après Zot, sa ban Shaitan là, pour Zot, sa ban Dieu là, mal et femelle, dit mal et femelle. Parmi, tu as un chapelle, Artemis. Artemis, dit Dieu de la lune. Ban grec, sur l'anniversaire chaque mois, ban grec, tu peux faire sur l'anniversaire chaque mois, et tu peux amener un gâteau dans le temple, dans l'église. Écoute-moi bien. Gâteau là, tu ronds comme une pleine lune. À cause de la lune, tu brillais avec la lumière. Alors, gâteau là, décoré par ban la bougie qui allumait. Ça, c'est inventé par grec commencement. Ban grec est une croyance qui tout du monde lui protégeait par ban l'esprit et des mots qui participent de sa naissance. Ça veut dire quand tu vas là par naissance, lui protégé par ban Dieu ou bien par ban démon. Ça, l'esprit là reste avec lui et surveille lui tout le long de la vie. Et pour eux, ça, l'esprit là, il a une relation avec Dieu dans sa naissance. Ban Romain aussi, il a même conception et même croyance. Je t'y alim ban la bougie, le gâteau, kouma en la prière, et pour honor ban l'esprit, et qui, soi-disant, ça amène bonheur dans la vie de ses enfants-là. Plus allez, ban Jimoun, commence à ta certaine magique, le jeu de date naissance. Jimoun, garde sa date naissance là, je prends certaines questions comme si la magie ça. Chaque année quand je date naissance vini, je t'allume ban la bougie pour honorer ban l'esprit, et quand je te souffle ban la bougie là, je l'anniversaire au gâteau. Avec l'idée, je soufflais sa bande la bougie là, le gâteau, avec l'idée, qui désire, qui je t'aina, je te garde comme un secret, et si je te raconte ça, je désire n'a pas pour arriver. Ça, c'est une conception. Qui fait du monde happy birthday, ou bien joyeux anniversaire? Qui fait du monde happy birthday, ou bien joyeux anniversaire? Je dis happy birthday pour ça du monde qui peut faire l'anniversaire là, supposé pour protéger contre ban mauvais esprit et ban démon shaitan. Je t'y peux faire gâteau. Cuit gâteau là. Je cuit gâteau là. Si gâteau là tombe, c'est un mauvais signe et un malheur pour ça du monde là, pour l'année qui vient. Je t'y peux mettre ban coin, ban l'argent, bouton bague, quand tu peux cuire ban gâteau là. Quand on porte ce gâteau, ban invité, kapotas gâteau ban invité, si un fin gagne un coin, dans gâteau, je te garantis qu'il y pouvait venir riche dans le futur. Toute croyance comme ça. Si fin gagne bag dans gâteau, alors signifie mariage. Ban du monde dans le passé, tu piado, du fait, ban la flamme, avec croyance, qui sa ban la fumée là, sans les autres pensées vers ban Dieu. Peut-être que vous adorez beaucoup, bon Dieu. Vous pensez qui ça, pour soyez vous pensez vers ban Dieu. Aujourd'hui, ban Dieu, il y a une croyance qui, si vous soufflez l'eau, la bougie, et l'eau, la bougie là, et tout, je teins d'un seul souffle, je bisais souffler la bougie là, je bisais teindre d'un seul souffle, un seul soufflé, alors je désire pour une vraie. L'anniversaire purement shirk. L'anniversaire purement shirk, ça connecté avec croyance qui soi-disant du monde qui peut faire l'anniversaire là pour protéger contre bande démon. Et ça pour amener du bien dans cette la vie. Il y a un péché, un du monde qui fait l'anniversaire, écoute-moi bien, un du monde qui fait l'anniversaire, les publicités rendent compte pour ça. Parce qu'il y a une action qui vient sortir dans le passé par les grecs et les romains. Il y a une action de chute. C'est une action qui priait les démons qui soit disant pour protéger ses enfants là ou bien pour protéger sa démon là. Donc, il y a une action de shaitan, une action de chute. Donc, un démon qualifié l'anniversaire, il peut faire une action de shirk, une action d'adoration de ban shaitan sans qu'il y connaît. Allah subhanahu wa ta'ala protège tout ban djimoun, faisons vivent digne, purement pour Allah subhanahu wa ta'ala, donne-nous le cœur seulement pour Allah, nous partageons avec aucun coutume, aucun rite des autres, afin qu'Allah compte avec nous, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء